7h30, observation, interrogation. Qu'est-ce que et qui est-ce qui ? Nous allons inventer une histoire. Question. Qu'est-ce que nous allons inventer ? Réponse. Une histoire. Qui est-ce qui va inventer une histoire ? Nous. Remarquez que la réponse à « qu'est-ce que ?» est une chose, ici, une histoire. C'est aussi l'objet du verbe. La réponse à « qui est-ce qui ?» est une personne. Nous, le professeur, les étudiants, Mireille. Et c'est aussi le sujet du verbe.